Selon Yonhap News de Corée du Sud, les hommes de lettres sud-coréens ont tenu le 2 mai sur la place de Gwanghwamun à Séoul une conférence de presse au nom des écrivains et prix de paix et contre la disposition du SAD pour exiger des États-Unis de retirer immédiatement le SAD, monstre de guerre.